Chapitre 15. Comment la nouvelle fut reçue dans le Lincolnshire. Le jeune veuf borna là ses lamentations, mais il fit son devoir envers sa fiancée avec un visage gai. Ah, quel agréable voyage ce fut pour Belinda que ce passage à Londres pour se rendre dans le Lincolnshire. Ce fut comme ce voyage triomphal du mois de mars dernier, lorsque l'époux royal menait sa fiancée du Nord à travers une mer de figures empressées et souriantes, et au bruit musical d'un millier de cloches. S'il n'y avait ni populace, ni joyeux carillon en cette occasion, je crois que Miss Lawford s'aperçut à peine que ces éléments d'une marche triomphale faisaient défaut. À ses oreilles, l'univers entier retentissait du bruit de carillons mystiques, et toute la surface de la terre était embellie par des figures heureuses. Le wagon du chemin de fer, ce véhicule vulgaire, empreint d'une odeur de laine et de maroquin, fut un char féerique plus merveilleux que celui de la reine Mab. La percée dans la carrière à chaud de la colline fut une brillante crevasse dans une montagne d'argent. Les courants d'eau sinueux furent des diamants fondus, les stations des châteaux enchantés. Le pâle chéri porté dans un flacon de poche et bu dans un petit verre en argent. On trouve généralement de le chéri ainsi contenu dans des flacons de poche une insapidité qui est à peine agréable aux connaisseurs, ressemblait au nectar des dieux. Les anchois des sandwichs eux-mêmes furent comme le poisson enchanté du conte arabe. Un filtre magique avait été répandu dans l'atmosphère. Le charme du premier amour était dans chaque objet qui frappait la vue et dans chaque bruit perçu par Louis. Fut-il jamais un fiancé plus indulgent, plus dévoué qu'Edward Arundel? Il restait assis devant les comptoirs des marchands de soieries pendant des heures entières, tandis que Mrs. Arundel et les deux jeunes filles examinaient les tissus étalés pour elles. Il était toujours prêt à être consulté et donna son opinion sur les mérites opposés de la couleur pêche, ponceau, vert pomme et maïs avec une attention infatigable. Mais parfois même, tandis que Belinda lui souriait en tenant dans ses mains blanches une étoffe bouffante qui se déroulait sur le comptoir en cascade miroitante, la main mystique le ramenait en esprit vers cette enfantine fiancée qui n'avait pas choisi de splendide toilette pour sa noce, et était allée à l'hôtel avec autant de confiance que l'enfant va au berceau dans les bras de sa mère. S'il était seul avec Belinda, avec la tendre et sympathique Belinda, qu'il aimait assez bien pour le comprendre, il était toujours prêt à se conformer au désir qu'elle lisait sur sa figure, à être joyeuse ou pensive selon l'humeur de son fiancé. Cela aurait peut-être mieux valu pour lui. Mais sa mère et Laetitia eurent en main le gouvernement suprême pendant cette semaine anténuptiale, et M. Arundel eut à peine le droit de respirer. Il fut conduit de ça, de là, par les chauds après-dîner d'été. On le mena choisir un nécessaire de toilette pour sa future, et on le força à regarder des objets jusqu'à ce que les yeux lui en fissent mal et qu'il ne distinguât plus rien, tant il était ébloui par l'or moulu et les bordures en argent. On le traîna dans un grand magasin de Bond Street pour y faire choix de parfumerie, et on lui fit sentir tant d'essence que ses narines se dilatèrent outre mesure et que ses nerfs olfactifs furent affligés d'une paralysie momentanée. La bijouterie de sa mère et celle de la mère de Belinda étaient à remonter, et la victime de l'hyménée fut obligée de rester assise une heure ou deux à cligner de l'œil à des serpents à tête relevée, qui étaient destinés à être enroulés autour du bras de sa femme, ou à des broches en émeraude qui devaient reposer sur son sein. Puis, quand il fut fatigué de toutes ces splendeurs étincelantes et de toute cette brillante confusion, il circula dans le parc au milieu d'un tourbillon de chapeaux diaphanes, de figures souriantes, de harnais cuivrés, de portières blasonnées, et sur le bord d'une rivière dont les eaux ressemblaient à de l'or fondu sous le soleil brûlant. Pour compléter la journée, il fallut qu'il allât s'asseoir dans une loge, où pour calmer ses nerfs, il entendit le bruit d'un orchestre monstre se confondant avec le bourdonnement d'un millier de voix. Mais plus le jeune homme se rassasiait d'éclats, d'éblouissements, de soleil et d'étalages de marchands de soieries, plus son esprit retournait vers les prairies tranquilles, le limpide ruisseau, les collines servant de rideaux, les ombres solennelles de la cathédrale et les cris des grôles dans le lointain sur les ormeaux qui se balançaient au vent. Les préparatifs se terminèrent à la longue et les fiancés ainsi que leur cortège partirent pour le Lincolnshire. De jolies chambres avaient été préparées à la grange pour M. Arundel, sa mère et sa sœur. Et le futur fut reçu avec enthousiasme par les jeunes sœurs aux yeux bleus de Belinda, qui furent enchantées de savoir qu'il allait y avoir une noce et qu'elles auraient des robes neuves. Aussi Edward n'aurait-il été qu'un bourru s'il n'eût pas eu l'air heureux et ne se fût pas montré dévoué à la belle jeune fille qu'il aimait. Les nouvelles du mariage prochain se propagèrent comme la flamme de l'incendie dans tout le Lincolnshire. L'histoire romanesque d'Edward Arundel avait fait de lui un héros. Toutes sortes de bruits avaient circulé sur son dévouement à sa jeune femme. On disait qu'il avait juré de ne plus paraître en société, de ne plus porter d'habits neufs, ni de faire couper ses cheveux, ni de se raser, ni de manger son dîner chaud. Et le Lincolnshire n'approuvait nullement la défection qu'impliquait son union prochaine avec Belinda. Il n'était en somme qu'un bœuf ordinaire à ce qu'il semblait, et tout prêt à se consoler aussitôt que le laps de temps accordé à la douleur par l'usage serait écoulé. On s'était attendu à quelque chose de mieux de sa part. On s'était attendu à le voir dans un an ou deux avec de longs cheveux gris, vêtu d'habits râpés, portant une barbe qui lui descendait jusque sur la poitrine et errant dans le village de Kimberling suivi des petits-enfants. Le Lincolnshire fut très désappointé par la tournure que les affaires avaient prise. Les aphorismes de Shakespeare étaient en vogue parmi les commères aux tables à thé confortables. On parlait de repas de funérailles et de la convenance qu'il y a à bâtir des églises si vous avez l'ambitieux désir que votre souvenir vous survive, et on se permettait d'autres observations piquantes familières à tous les admirateurs du grand dramaturge. Mais il y avait quelques personnes dans le Lincolnshire chez qui la nouvelle du mariage projeté d'Edward Arundel fut mieux accueilli que ne le sont les premières fleurs de mai pour les enfants des campagnes désireux d'un festival. Paul Marchmont apprit ce qui se disait, il se frotta les mains en cachette, tandis qu'il se souriait à lui-même en lisant dans le salon occidental éclairé par le soleil. La bonne graine qu'il avait semée le soir du dîner au presbytère avait fait pousser ce fruit si bienvenu. Edward Arundel avec une jeune femme serait bien moins formidable qu'Edward Arundel Buff, mécontent, errant dans le voisinage de Marchmont Towers et menaçant perpétuellement de sa vengeance le cousin de Mary. Ce fut la petite Lavinia Weston qui apporta la première cette nouvelle à son frère. Il lui prit les deux mains dans les siennes et l'embrassa dans son enthousiasme. « La meilleure des sœurs, dit-il, vous aurez une paire de boucles d'oreilles en diamant pour cette nouvelle. Rien que pour vous l'avoir apportée, Paul. Oui, rien que pour me l'avoir apportée. Lorsqu'un héros apporte la nouvelle d'une grande victoire à un roi, le roi le fait chevalier sur le champ. Ce mariage est une grande victoire pour moi, Lavinia. À dater d'aujourd'hui, je respirerai librement. Mais ils ne sont pas encore mariés. Quelque chose peut arriver, peut-être, pour empêcher. Que voulez-vous qu'il arrive ? Demanda Paul un peu sèchement. À propos, il vaut tout autant cacher la nouvelle à Mrs. John, ajouta-t-il d'un air de réflexion, bien qu'à vrai dire maintenant, je m'imagine que peu importe ce qu'elle peut entendre. Il se frappa le front légèrement avec ses deux doigts effilés, et ce geste eut une horrible signification. Il n'est pas probable qu'elle apprenne quelque chose, dit Mrs. Weston, elle ne voit personne autre que Barbara Simons. Alors vous me ferez plaisir de donner à comprendre à Simons qu'elle doit tenir sa langue. La nouvelle de ce mariage troublerait sa maîtresse. Oui, je le lui dirai. Barbara est une très bonne personne. Je sais toujours prendre Barbara. Mais, Paul, je ne sais que faire de mon pauvre mari. Il a la tête si faible. Que voulez-vous dire ? Oh, Paul, j'ai eu avec lui une terrible scène aujourd'hui. Quelle scène ! Vous vous souvenez de quelle façon il se conduisit au chalet le jour où Edward Arundel nous y surprit ? Eh bien, il en a fait autant aujourd'hui, Paul, ou pire encore, je crois. M. Marchmont fronça le sourcil et jeta son journal avec un geste de vive contrariété. « Lavinia, voilà qui part trop fort réellement, dit-il. Si votre mari est un imbécile, je ne veux pas que sa folie m'ennuie. Vous l'avez mené pendant 15 ans. À coup sûr, vous pourrez bien le mener encore maintenant, sans me tourmenter à son sujet. Si M. George Weston ne sait pas à qui il doit son bien-être, c'est qu'il est un ingrat. Vous pouvez le lui dire de ma part avec mes compliments. » Il ramassa un journal et se remit à lire. Mais Lavinia Weston, regardant avec inquiétude la figure de son frère, dit que ses sourcils châtains étaient contractés sous l'empire de la pensée et que s'il lisait réellement les mots sur lesquels portaient ses yeux, ne devait avoir pour son esprit que très peu de signification. Elle avait raison, car au bout d'un moment il lui parla, toujours en regardant la page ouverte devant lui et en essayant de s'exprimer d'un ton d'indifférence. « Croyez-vous qu'il consentirait à partir pour l'Australie, Lavinia ?»« Seul ?» demanda sa sœur. « Oui, seul, évidemment. » dit M. Marchmont, déposant son journal et regardant Mrs. Weston d'un air de doute. « Je ne tiens pas à ce que vous alliez aux antipodes. Mais s'il refusait de partir sans vous, je m'arrangerais pour vous dédommager de votre départ, Lavinia. vous n'auriez pas lieu de regretter de m'avoir obligé, chère sœur. » La chère sœur lança à son frère affectionné un regard un peu sec. « Je reconnais votre égoïsme, Paul, dans une proposition pareille, » dit-elle, « après tout ce que j'ai fait. Et je manquais de générosité envers vous, Lavinia, non ? Vous avez été assez généreux pour moi, sous le rapport des cadeaux, mais vous êtes riche, Paul, et vous pouvez donner. Cela me déplaît que vous soyez si disposé à m'éloigner maintenant que je ne peux plus vous être utile. » M. Marchmont haussa les épaules. « Au nom du ciel, Lavinia, pas de sentiment. » S'il y a une chose que je méprise plus qu'une autre, c'est cette espèce de fade sentimentalité. Vous avez été pour moi une très bonne sœur, et j'étais pour vous un frère convenable. Si vous m'avez servi, je me suis arrangé pour que cela vous fût utile. Je ne veux pas que vous partiez. Vous pouvez dès demain apporter ici tout ce que vous possédez et y vivre sans souci le reste de votre vie. Mais si George Weston est une brute à tête de porc qui ne peut voir de quel côté le beurre sur sa rôtie, il faut qu'il s'éloigne de façon ou d'autre. Je ne regarderai pas à ce que cela me coûtera, mais il faut qu'il parte. Je ne veux pas mener la vie d'un Damoclès moderne, avec une épée constamment suspendue au-dessus de ma tête en la personne de M. George Weston. Et s'il s'oppose à quitter le pays sans vous, je crois qu'en ce cas votre départ ne serait envers moi qu'un acte de charité de votre part. Je déteste l'égoïsme, Lavinia, presque autant que je déteste la sentimentalité. Mrs. Weston se tut pendant quelques minutes, absorbée qu'elle était par ses réflexions. Paul se leva, écarta du pied un tabouret et se promena dans le salon les mains dans ses poches. « Peut-être pourrais-je décider George à quitter l'Angleterre en lui promettant de le rejoindre dès qu'il serait bien installé dans les colonies ?» dit enfin Mrs. Weston. « Oui, » s'écria Paul, « rien n'est plus facile. Je serai généreux envers lui, Lavinia, je le traite très bien, mais il ne faut pas qu'il reste en Angleterre. Non, Lavinia, après ce que vous m'avez dit aujourd'hui, je sens qu'il faut qu'il parte d'ici. » M. Marchmont s'approcha de la porte et regarda au dehors pour voir si par hasard quelqu'un l'aurait entendu. Il ne vit personne. Le vestibule d'allée était aussi désert que quelques caveaux inconnus dans un temple égyptien. L'artiste revint vers Lavinia et s'assit à côté d'elle. Pendant un moment, le frère et la sœur causèrent très sérieusement. Ils réglèrent tout pour le départ du pauvre George Weston, ce mari docile. Il devait s'embarquer pour Sydney immédiatement. Rien ne serait plus facile à Lavinia que de déclarer que son frère avait entendu parler, par hasard, d'une belle clientèle que pourrait obtenir un médecin dans la métropole des Antipodes. On donnerait au praticien une bonne somme d'argent, et Lavinia le rejoindrait évidemment aussitôt qu'il serait installé. Paul Marchmont regarda même le Shipping Gazette pour y trouver un navire australien qui pourrait rapidement transporter son beau-frère vers un rivage étranger. Lavinia Weston retourna chez elle armée de tous les pouvoirs nécessaires. Elle devait presque tout promettre à son mari, pourvu qu'il consentît à partir au plus vite.